Je ne suis qu'une pierre dans l'océan. Un souffle perdu dans le vent. Un nom effacé sur des murs tremblants. Une trace de craie dans le néant. Mais ici je rêve en silence. Un royaume bâti de persistance. Chaque mot devient une flamme. Chaque phrase une âme de l'âme. Je suis l'ombre qui danse sur l'écran. Le feu qui brûle sans étendard. Je tends mes mots comme des serments. Chaque rime une cicatrice, un regard. Les étoiles s'éteignent une à une. Mais je marche encore sous la lune. Mes vieux sont des lueurs, des flammes qui brillent. Je parle sans tête dans la lumière. Chaque blessure devient prière. Chaque silence un sanctuaire. Je suis le cri gravé dans la pierre. Un souffle arraché à la terre. Le temps m'use mais je tiens. Car mes mots brûlent plus loin. Je ne cherche rien, ni gloire, ni trône. Un écho pur, une vérité. Un instant d'ombre partagé. Vos voix sont mes piliers cachés. Mes ruines deviennent beauté. Et même si l'oubli me guette, je parle encore, je projette. I am the La tempête, j'élève ma voix. Chaque horizon s'incline à moi. Chaque souffle devient vibration. Chaque cri devient confession. Les murs s'effondrent mais je reste. La lumière renaît de mes gestes. Je suis la loi, je suis la foi. L'ombre gravée au fond de toi. I am the kingdom. Je marche encore. Chaque vibration traverse vos corps. Je suis Rider Skill. Je suis la flamme. Le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Même si le monde s'efface en poussière, je laisse ma voix brûler la pierre. Rider Skill. Rider Skill. Ride a skin. Ride a skin. Ride a skin.